Premier livre des Rois, chapitre 8. Alors Salomon assembla devant lui à Jérusalem les anciens d'Israël, et tous les chefs des tribus, les principaux des pères des enfants d'Israël, pour transporter l'arche de l'alliance de l'Éternel de la cité de David, qui est Sion. Et tous ceux d'Israël furent assemblés vers le roi Salomon, au mois d'Étanim, qui est le septième mois, le jour même de la fête. Tous les anciens d'Israël donc vinrent, et les sacrificateurs portèrent l'arche. Ainsi on transporta l'arche de l'Éternel, et le tabernacle d'assignation, et tous les saints vaisseaux qui étaient au tabernacle, les sacrificateurs, dis-je, et les lévites les emportèrent. Or le roi Salomon, et toute l'assemblée d'Israël, qui s'était rendue auprès de lui, étaient ensemble devant l'archer, ils sacrifiaient du gros et du menu bétail en si grand nombre, qu'on ne le pouvait ni nombrer ni compter. Et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel en son lieu, dans l'oracle de la maison, au lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins étendaient les ailes sur l'endroit où devait être l'arche, et les chérubins couvraient l'arche et ses barres, par-dessus. Et ils retirèrent les barres en dedans, de sorte que les bouts des barres, se voyaient du lieu saint sur le devant de l'oracle, mais ils ne se voyaient point au dehors, et elles sont demeurées là jusqu'à ce jour. Il n'y avait rien dans l'arche que les deux tables de pierre, que Moïse y avait mises en Horeb, quand l'Éternel traita alliance avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils furent sortis du pays d'Égypte. Or il arriva que comme les sacrificateurs furent sortis du lieu saint, une nuée remplit la maison de l'Éternel. De sorte que les sacrificateurs, ne se pouvaient tenir debout pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel, avait rempli la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il habiterait dans l'obscurité. J'ai achevé, ô Éternel, de bâtir une maison pour ta demeure, un domicile fixe, afin que tu y habites éternellement. Et le roi tournant son visage, bénit toute l'assemblée d'Israël, car toute l'assemblée d'Israël se tenait là debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa propre bouche à David mon père, et qui l'a accompli par sa puissance, et a dit, depuis le jour que je retirai mon peuple d'Israël hors d'Égypte, je n'ai choisi aucune ville d'entre toutes les tribus d'Israël pour y bâtir une maison, afin que mon nom y fût, mais j'ai choisi David, afin qu'il eût la charge de mon peuple d'Israël. Et David mon père avait au cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel dit à David mon père, quant à ce que tu as eu au cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela au cœur. Néanmoins tu ne bâtiras point cette maison, mais ton fils qui sortira de tes reins, sera celui qui bâtira cette maison à mon nom. L'Éternel a donc accompli sa parole, qu'il avait prononcée, et j'ai succédé à David mon père, et je suis assis sur le trône d'Israël, comme l'Éternel en avait parlé, et j'ai bâti cette maison au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël. Et j'ai assigné ici un lieu à l'arche, dans laquelle est l'alliance de l'Éternel, qu'il traita avec nos pères, quand il les eut tirés hors du pays d'Égypte. Ensuite Salomon se tint devant l'autel de l'Éternel en la présence de toute l'assemblée d'Israël, et ayant ses mains étendues vers les cieux, il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux en haut, ni sur la terre en bas, tu gardes l'alliance et la gratuité envers tes serviteurs, qui marchent de tout leur cœur devant ta face, et tu as tenu à ton serviteur David mon père ce don. Tu lui avais parlé, car ce dont tu lui avais parlé de ta bouche, tu l'as accompli de ta main, comme il paraît aujourd'hui. Maintenant donc, ô Éternel Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David mon père, ce dont tu lui as parlé, en disant, jamais il ne te sera retranché de devant ma face, un successeur pour être assis sur le trône d'Israël, pourvu seulement que tes fils prennent garde à leur voie, afin de marcher devant ma face, comme tu y as marché. Et maintenant, ô Dieu d'Israël, je te prie, que ta parole, laquelle tu as prononcée à ton serviteur David mon père, soit ratifiée. Mais Dieu habiterait-il effectivement sur la terre? Voilà, les cieux, même les cieux des cieux ne te peuvent contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, ô Éternel mon Dieu, égare à la prière de ton serviteur, et à sa supplication, pour entendre le cri et la prière que ton serviteur te fait aujourd'hui, qui est, que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, le lieu dont tu as dit, mon nom sera là, pour exaucer la prière que ton serviteur fait en ce lieu-ci. Exauce donc la supplication de ton serviteur, et de ton peuple d'Israël, quand ils te prieront en ce lieu-ci, exauce-les, dis-je, du lieu de ta demeure, des cieux, exauce, et pardonne. Quand quelqu'un aura péché contre son prochain, et qu'on lui aura déféré le serment pour le faire jurer, et que le serment aura été fait devant ton autel dans cette maison, exauce-les toi des cieux, et exécute ce que portera l'exécration du serment, et juge tes serviteurs en condamnant le méchant, et lui rendant selon ce qu'il aura fait, et en justifiant le juste. Et lui rendant selon sa justice. Quand ton peuple d'Israël aura été battu par l'ennemi, à cause qu'ils auront péché contre toi, si ensuite ils se retournent vers toi, en réclamant ton nom, et en te faisant des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les, toi, des cieux, et pardonne le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les dans la terre que tu as donnée à leur père. Quand les cieux seront resserrés, et qu'il n'y aura point de pluie, à cause que ceux d'Israël auront péché contre toi, s'ils te font prière en ce lieu-ci, et s'ils réclament ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras affligés, exauce-les, toi, des cieux, et pardonne le péché de tes serviteurs, et de ton peuple d'Israël. Lorsque tu leur auras enseigné le bon chemin, par lequel ils doivent marcher, et envoie-leur la pluie sur la terre que tu as donnée à ton peuple pour héritage. Quand il y aura famine au pays, ou la mortalité, quand il y aura brûlure, miel, sauterelle, et vermisseau, même quand les ennemis les assiégeront jusque dans leur propre pays, ou qu'il y aura plaie, ou maladie, quelques prières, et quelques supplications que te fasse quelqu'homme que ce soit de tout ton peuple d'Israël, selon qu'ils auront connu chacun la plaie de son cœur, et que chacun aura étendu ses mains vers cette maison, alors exauce-les, toi, des cieux, du domicile arrêté de ta demeure, et pardonne, et fais, et rends à chacun selon toutes ses voies, parce que tu auras connu son cœur, car tu connais toi seul le cœur de tous les hommes, afin qu'ils te craignent tout le temps qu'ils vivront sur la terre que tu as donnée à nos pères. Et même lorsque l'étranger qui ne sera pas de ton peuple d'Israël, mais qui sera venu d'un pays éloigné pour l'amour de ton nom, car on entendra parler de ton nom, qui est grand, et de ta main forte, et de ton bras étendu, lors donc qu'il sera venu, et qu'il te priera dans cette maison, exauce, toi, des cieux, du domicile arrêté de ta demeure, et fais selon tout ce pourquoi cet étranger aura crié vers toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et pour connaître que ton nom est réclamé sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sera sorti en guerre contre son ennemi, dans le chemin par lequel tu l'auras envoyé, s'ils font prière à l'Éternel en regardant vers cette ville que tu as choisie, et vers cette maison que j'ai bâtie à ton nom, alors exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et maintiens leurs droits. Quand ils auront péché contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et que tu seras irrité contre eux, tellement que tu les auras livrés entre les mains de leurs ennemis, et que ceux qui les auront pris les auront menés captifs en pays ennemi, soit loin, soit près, si au pays où ils auront été menés captifs, ils reviennent à eux-mêmes, et se repentant ils te prient au pays de ceux qui les auront emmenés captifs, en disant, « Nous avons péché, nous avons fait iniquité, et nous avons fait méchamment, s'ils retournent donc à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les auront emmenés captifs, et s'ils t'adressent leurs prières, en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, vers cette ville que tu as choisie, et vers cette maison que j'ai bâtie à ton nom, alors exauce des cieux. Du domicile arrêté de ta demeure, leurs prières, et leurs supplications, et maintiens leurs droits. Et pardonne à ton peuple qui aura péché contre toi, et même pardonne-leur tous les crimes qu'ils auront commis contre toi, et fais que ceux qui les auront emmenés captifs aient pitié d'eux, et leur fasse grâce. Car ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as tiré hors d'Égypte, du milieu d'un fourneau de fer. Que tes yeux donc soient ouverts sur la prière de ton serviteur, et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer dans tout ce pourquoi ils crieront à toi. Car tu les as mis à part pour toi d'entre tous les peuples de la terre, afin qu'ils fussent ton héritage, comme tu en as parlé par le moyen de Moïse ton serviteur, quand tu retiras nos pères hors d'Égypte, au Seigneur éternel. Or aussitôt que Salomon eut achevé de faire toute cette prière, et cette supplication à l'Éternel, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, et n'étant plus à genoux, mais ayant encore les mains étendues vers les cieux, il se tint debout, et bénit toute l'assemblée d'Israël à haute voix, en disant, « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, comme il en avait parlé, il n'est pas tombé à terre un seul mot de toutes les bonnes paroles, qu'il avait prononcées par le moyen de Moïse son serviteur. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point, et qu'il ne nous délaisse point mais, qu'il incline notre cœur vers lui, afin que nous marchions en toutes ses voies, et que nous gardions ses commandements, ses statuts, et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères, et que mes paroles, par lesquelles j'ai fait supplication à l'Éternel, soient présentes devant l'Éternel notre Dieu jour et nuit, afin qu'il maintienne le droit de son serviteur, et le droit de son peuple d'Israël, selon qu'il en aura besoin chaque jour. Afin que tous les peuples de la terre, connaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et afin que votre cœur soit pur envers l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans ses statuts, et pour garder ses commandements, comme aujourd'hui. Et le roi, et tout Israël avec lui, sacrifièrent des sacrifices devant l'Éternel. Et Salomon offrit un sacrifice de prospérité, qu'il sacrifia à l'Éternel, savoir, 20 000 bœufs, et 20 000 brebis. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël, dédièrent la maison de l'Éternel. En ce jour-là le roi consacra le milieu du parvis, qui était devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, et les gâteaux, et les graisses des sacrifices de prospérité, parce que l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, était trop petit pour contenir les holocaustes, et les gâteaux, et les graisses des sacrifices de prospérité. Et en ce temps-là Salomon célébra une fête solennelle, et avec lui tout Israël, qui était une grande assemblée, venue depuis où l'on entrant à Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, devant l'Éternel notre Dieu, et cela dura 7 jours, et 7 autres jours, ce qui fut 14 jours et au 8e jour il renvoya le peuple, qui bénit le roi, puis ils s'en allèrent dans leur tente. En se réjouissant, et ayant le cœur plein de joie à cause de tout le bien que l'Éternel avait fait à David son serviteur, et à Israël son peuple.